إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue dans l'explication de al-aqidatul hamawiyya, al-fatwa al-hamawiyya, le sharh, on fait le sharh de al-fatwa al-hamawiyya écrit par Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Donc c'est un des plus grands livres d'explication des fondements de l'aqida des salaf, au sujet des noms et des attributs d'Allah, de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, un de ses livres les plus importants sur le sujet. Et on est arrivé au cours 33 aujourd'hui. Donc aujourd'hui c'est le cours 33. Et donc Inch'Allah on va continuer à partir de l'endroit où on s'est arrêté. On a jusqu'à maintenant expliqué les paroles de Cheikh Al-Fawzan dans son ta'liq, dans son commentaire de Al-Fatwa Al-Hamawiyya. Et le Cheikh il a seulement fait le sharh de l'introduction. Donc il n'a pas continué, c'est-à-dire la version qui a été publiée par le Cheikh Al-Fawzan, c'est une version qui s'arrête uniquement à l'introduction. Donc pour la suite de l'explication, on va se baser sur d'autres shuyukh qui ont expliqué Al-Hamawiyya, et parmi les exemples qu'on va mentionner, c'est les explications de Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, Rahimahullah, et également les paroles de Cheikh Salih al-Sheikh sur certains points, et également comme j'avais expliqué au dernier cours, le sharh de Cheikh Mohamed Aman al-Jami rahimahullah, et c'est des cours audio bien entendu, mais je prends des notes sur certains points, et donc s'il y a des questions ou des sujets bénéfiques et intéressants à mentionner qui ne sont pas expliqués par les autres mashayikh, et bien parfois je rajoute des points de qu'est-ce que le Cheikh Mohamed Aman al-Jami rahimahullah a ajouté. On est arrivé dans une partie du sharh, ou plutôt une partie du livre, où Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, maintenant après avoir établi les bases et la méthodologie pour réfuter ces gens de bid'a et pour détruire les fondements de leur shubuhat, donc après avoir mentionné ces fondements-là et après avoir établi les bases sur ces questions-là, maintenant il passe à une autre partie du livre, maintenant une autre question ou un autre sujet. Et cette question, c'est maintenant de mentionner les paroles des salafs. De mentionner les paroles des salafs au sujet de la question des noms et des attributs d'Allah, et en particulier à propos de al-istiwa. La question du fait que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône, au-dessus de sa création. Mais le livre, ou les paroles qu'il va citer des ulama et des salafs, c'est pas seulement au sujet de al-istiwa, c'est aussi à propos de d'autres questions qui ont rapport avec les fondements de la aqida chez les salafs. Et donc, le livre va, disons, toucher à plus de questions que seulement la question des noms et des attributs. Et à plus de points que la question seulement de Al-Istiwa. Donc, il faut donc juste être au courant de ça, puis être préparé à ça. Donc. Naam, commençons donc maintenant avec qu'est-ce que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit à partir de l'endroit où on s'est arrêté au dernier cours. Donc, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit ونحن نذكر الآن أو ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم بحسب ما يحتمله هذا الموضع ما يعلم به مذهبهم. C'est-à-dire que maintenant on va mentionner les paroles des salafs en mentionnant leur nom, c'est-à-dire en les désignant spécifiquement. Lesquels d'entre eux a dit des paroles yani, sur certaines questions qui ont rapport avec leur position à propos de cette question et à propos de, yani, comme on a dit, d'autres questions également qui ont rapport avec les fondements de la aqidah chez les salafs, en mentionnant leurs paroles et les termes qu'ils ont mentionnés eux-mêmes et en citant leur position selon ce que comprend et ce qui implique cette partie du livre et qui nous permettra par la suite donc de connaître leur voix et leur position dans ces questions-là. Donc, أقوال أئمة السلف في صفات الله تعالى, c'est-à-dire les positions et les paroles des salafs au sujet des noms ou plutôt au sujet des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier qui est mentionné ici, ou les premiers exemples, c'est la parole de l'imam Al-Awza'i. Et il cite cette parole d'un livre écrit par Al-Bayhaqi, Abu Bakr Al-Bayhaqi, dans son livre Al-Asma' wa-Sifat. Et il le rapporte avec une chaîne de transmission authentique. Donc, vous savez très bien que parfois, les ulama, ils ont écrit des livres sur des sujets comme ça. C'est-à-dire, ils ont écrit des livres sur la question de la aqida. Et ces livres-là ont été transmis jusqu'à nos jours. Ces livres ont été préservés jusqu'à nos jours et on les lit jusqu'aujourd'hui. Comme par exemple, les livres de Ibn Taymiyyah et les livres de l'imam Ahmad et d'autres. D'autres imams aussi qui ont écrit des livres ou bien qui ont parlé de ces questions-là et leurs paroles ont été, disons, mises par écrit. Toutefois, il y a d'autres savants qui n'ont pas écrit de livres, mais dont les paroles ont été préservées et mémorisées avec la chaîne de transmission. Donc, ce n'est pas nécessaire parfois que ce soit un livre au complet écrit par un imam pour prouver que sa position était telle ou telle par rapport aux noms et aux attributs d'Allah. Mais parfois, certains imams, on a leurs paroles ou des exemples ou des citations qui expriment leur position et qui réfutent les idées des gens de Bid'ah sur ces questions-là, avec les chaînes de transmission qui prouvent l'authenticité de ces paroles. Et donc ça, dans ce cas-là, c'est suffisant. Et s'il y a des paroles ou des citations de ces imams qui sont mentionnées mais qui n'ont pas de chaîne de transmission ou qui ne sont pas authentiques, eh bien là, dans ce cas-là, c'est pas pareil, parce que des fois, il y a des gens de bid'ah justement qui ont essayé d'attribuer à ces imams des paroles et ils n'ont pas ramené de chaîne de transmission, ou bien ils ont ramené ils ont inventé ou fabriqué des chaînes de transmission. Et donc, ces paroles-là ne sont pas authentiques. Et donc, elles sont rejetées dans ce cas-là. Et ça, c'est souvent le cas dans les livres des gens de Kalam, les livres des gens de Bid'ah. Tu vois qu'ils vont citer, par exemple, des paroles attribuées à Abdullah ibn Abbas ou attribuées à Ali ibn Abi Talib ou d'autres parmi les Sahaba ou les Tabi'in ou les Tabi'in ou les ulama qui sont venus par la suite parmi les imams des Salafs. Mais il ne les rapporte pas avec une chaîne de transmission authentique. soit qu'elles n'ont pas de chaîne de transmission du tout, ou soit qu'elles ont pas, elles ont une chaîne de transmission qui est faible ou qui est fabriquée. Et donc, dans ce cas-là, bien entendu, ça ne va pas être valable, ça ne va pas être accepté. Donc, commençons maintenant par rapport à la parole de l'imam Al-Bayhaqi qu'il a rapporté de l'imam. Qu'est-ce que l'imam Al-Bayhaqi a rapporté de la parole de l'imam Al-Awza'i? Bon, juste quelques instants, parce qu'il y a des points que je veux expliquer aussi par rapport à certaines des paroles des ulama qu'on va citer aujourd'hui. Et donc, je vais juste expliquer parfois une courte biographie de chaque personne qu'on va mentionner, juste pour faire en sorte que ce soit un petit peu plus bénéfique en même temps. Donc, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, elle a cité le livre de l'imam Al-Bayhaqi dans les paroles précédentes, quand on a parlé des exemples, des références des livres des salafs sur la Aqidah, on a cité justement le livre Al-Asma al-Sifat dans les cours précédents. Et on a parlé de l'imam Al-Bayhaqi où on a cité son nom. Donc Al-Bayhaqi, son nom c'est Al-Hafiz Abu Bakr Ahmad ibn al-Hussein ibn Ali al-Faqih al-Shafi'i min kibari ashab al-Hakim. Donc c'est un des grands compagnons de l'imam al-Hakim qui a al-Mustadrak, qui a écrit al-Mustadrak al-Sahihayn. Et il vient d'une ville qui est proche de Neysabour qui s'appelle Bayhaq. C'est pour ça qu'on l'appelle al-Bayhaqi. Il est né en 384 de la Hijra et il est mort en 458 de la Hijra. 458. Il a plusieurs ouvrages qu'il a écrits, dont Al-Asma al-Sifat. Il a écrit d'autres livres. Parmi les exemples, les choses qui sont mentionnées à son sujet, c'est que à un moment donné, il a été influencé par certaines personnes qui avaient été justement touchées par Ilm al-Kalam, et donc dans les questions des noms et des attributs, parfois il est tombé dans le ta'wil. Donc il a commis des erreurs dans ces questions-là, malheureusement. Mais sinon, il rapporte dans ses livres parfois les paroles des salafs qui affirment les attributs d'Allah. Et ça, c'est pour montrer comment ces gens-là, ils sont obligés de, quand ils tombent dans le ta'wil et dans la bid'a des gens de kalam, ils sont obligés de tomber dans la contradiction. Puisque les salafs, eux, affirmaient les noms et les attributs d'Allah. Donc, sont obligés d'avoir recours à plein de différentes shubhat pour essayer de s'expliquer ou d'essayer de clarifier leur position. Parmi les livres de l'imam al-Bayhaqi aussi, il y a As-Sunan al-Kubra, et il y a aussi As-Sunan al-Sughra, et il y a un autre livre qui s'appelle Shu'ab al-Iman, c'est-à-dire les branches de la foi. Donc ça, c'est pour citer donc qui était l'imam al-Bayhaqi. Donc il a cité une parole avec une chaîne de transmission authentique qui remonte jusqu'à l'imam al-Awza'i. Al-Awza'i, son nom c'est Abdurrahman ibn Amr. Abdurrahman ibn Amr, Yuhmad Abu Amr. Ou Abu Omar, pardon. Yuhmad Abu Omar al-Awza'i, l'imam al-Kabir. Il est né durant la vie des Sahaba. Il est né durant la vie des Sahaba et il est né donc en l'an 88. Il est né en l'an 88. Rahimahullah. On a voulu de lui comme juge. À plusieurs reprises, on lui a offert un poste de juge, il a refusé. Et c'est le premier de ceux qui ont écrit la science des hadiths dans la région de la Syrie, la Palestine, qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui Syrie, Palestine, c'est en arabe, on dit Asham. Donc Asham, c'est une partie de du sud de la Turquie, une partie de la Syrie, c'est la Syrie, le Liban, la Jordanie, une partie de l'Irak, une partie de la péninsule arabe, et en tout cas toute cette région là, on l'appelle aujourd'hui, il y a différents pays, mais à cette époque là c'était une région, toute cette région s'appelait Asham. Donc lui c'était le grand savant de cette région là, il avait beaucoup de science, et il était un des grands imams de son époque, et l'imam Malik vivait à la même époque que lui, fait partie des quatre grands imams de l'époque. Et l'imam Malik a dit Al-Auza'i imam yuqtada bihi. L'imam Malik a dit que Al-Auza'i c'est un imam, et on peut le prendre comme exemple, comme modèle. On peut suivre son exemple. Donc ça c'est un exemple, et il est mort, l'imam Al-Auza'i, il est mort en l'an 157 de la Hijra. Donc il dit, cet imam, l'imam Al-Auza'i, une parole très célèbre de lui, qui est rapportée très souvent par les ulama, il dit « Kunna wa tabi'una mutawafirun naqul inna Allah ta'ala zikru fauq al-arsh wa nu'minu bima waradat bihi sunnah min sifatihi ou min as-sifat. » Donc « Kunna wa tabi'una mutawafirun naqul إن الله فوق العرش ونؤمن بما وردت به السنة من الصفات. Qu'est-ce que ça signifie cette parole? Ça signifie, lorsque les tabi'un, c'est-à-dire les élèves des sahaba, étaient très nombreux, nous disions Allah est au-dessus de son trône, et nous croyons en ce que la sunna a rapporté de ses attributs. Donc ça c'est pour dire que c'était une parole qui était mentionnée ou qui était dite à l'époque des salafs, à l'époque des tabi'oun, et les gens disaient cette parole-là et personne ne condamnait cette parole. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui était approuvé et accepté, et c'était ça la aqida, c'était ça la croyance des gens à l'époque des tabi'oun. Donc ça vient confirmer que la bid'a de la négation des noms et des attributs d'Allah est venue après la période des tabi'oun. Donc c'est pour dire que, ça veut dire que c'était quelque chose qui est innové, quelque chose qui n'existait pas à l'époque ni des sahaba ni des tabi'oun. Ça veut dire que la aqida des salaf, c'est d'affirmer les noms et les attributs d'Allah et de ne pas les nier. Et il dit ensuite وقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابع التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجاز والأوزاعي إمام أهل الشام والليث بن سعد والليث إمام أهل مصر والثوري إمام أهل العراق حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله تعالى فوق العرش وبصفاته السمعية. Donc Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, après avoir dit cette parole, après avoir cité cette parole qui est rapportée de l'imam Al-Auza'i dans Al-Asma wa Sifat de l'imam Al-Bayhaqi, donc il explique ça en disant que l'imam Al-Auza'i, qui est un des quatre imams de son époque, c'est-à-dire qu'à l'époque de l'imam Al-Auza'i, il y a quatre grands imams dans le monde musulman, dans les grands centres de science de l'époque. Et ça, c'est l'époque des tabi'in, c'est-à-dire les élèves des tabi'in, les élèves des élèves des sahaba. Les tabi'un, c'est les élèves des sahaba, et eux sont les élèves des sahaba. Hein? Donc même l'imam al-Auza'i, même s'il a vécu à l'époque, ou plutôt même s'il est né à l'époque où il y avait encore des sahaba, sauf qu'il n'a pas étudié avec les sahaba directement, il a étudié avec les élèves des sahaba. Hein? C'est pour ça qu'il est un tabi'i tabi'in, un élève des sahaba. D'accord? Et donc, à cette époque-là, il y en avait quatre grands imams, quatre grands savants. L'imam de la région du Hijaz, la Mecque et Médine. Hein? Ben, on sait en particulier que l'imam Malik, c'était l'imam de Médine, parce qu'il n'a pas quitté Médine de toute sa vie. Et on l'appelle l'imam Malik ibn Anas. C'était l'imam de la région à son époque. À la même époque, il y a aussi un autre imam qui était un grand imam aussi, mais qui n'est pas mentionné parmi les quatre ici, c'est l'imam Soufyan ibn Uyayna. Soufyan ibn Uyayna, c'était l'imam de la Mecque. Hein? C'était l'imam de la Mecque. Alors que l'imam de Médine, c'était l'imam Malik ibn Anas. Non. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah? Il dit, ensuite, il y avait l'imam de la région de Hacham, hein, la Syrie, la Palestine, le Liban, le sud de la Turquie, toute cette région-là, on l'appelle Hacham. Donc, c'était l'imam al-Auza'i qui était l'imam de cette région. Hein. Et ensuite, l'imam de l'Égypte, c'était l'imam al-Layth. Hein, al-Layth. Et l'imam Soufyan al-Thawri, qui était l'imam de l'Irak, de la région de l'Irak. D'accord? Naam. Donc, pour donner peut-être un peu plus de détails sur, on a déjà parlé de l'imam al-Auza'i, on a dit son nom et à quelle année il est né. Maintenant, l'imam Malik. On en a parlé déjà, donc pas nécessaire de répéter. L'imam Layth ibn Sa'd, son nom c'est Al-Layth ibn Sa'd ibn Abdurrahman Abu al-Harith al-Fahmi al-Imam alim al-Diyar al-Misriya faqihuha wa muhaddithuha. Donc il était parmi les grands ulama de l'époque, et les muhaddithin et les fuqaha, parmi les muhaddithin et les fuqaha. C'est un grand savant. Son nom c'est Layth ibn Sa'd ibn Abdurrahman. Sa kunya c'est Abu al-Harith. Ok. Et c'était un très grand imam de l'époque. L'imam Shafi'i a étudié avec l'imam Malik. Hein, et après avoir étudié avec l'imam Malik, il est parti en Égypte pour étudier avec l'imam Al-Layth ibn Sa'd. Arrivé en Égypte, il a trouvé que l'imam Al-Layth était déjà décédé. Donc, il a étudié avec ses élèves. Il a étudié avec les élèves de Layth ibn Sa'd. Yani, rahimahullah. Et il a dit que l'imam Layth était plus savant dans le fiqh, plus fort dans le fiqh que l'imam Malik. Il a dit kana afqah min Malik. Et l'imam Ahmad a dit à propos de l'imam Layth ibn Sa'd, il a dit laysa fil misriyin asah hadithan min Layth ibn Sa'd. Donc il y a pas, l'imam Ahmad a dit, il n'y a pas parmi les Égyptiens de l'époque, parmi les savants, de plus authentique dans ses hadiths que l'imam Layth ibn Sa'd. Il est mort en l'an 175. Et l'imam al-Thawri, Soufyan al-Thawri, son nom c'est Soufyan ibn Sa'd, Soufyan ibn Sa'id ibn Masruq al-Thawri, Abu Abdullah, sa kunya c'est Abu Abdullah al-Kufi. Et donc il vient de Koufa, et c'était l'imam de son, un des grands imams de son époque dans la science. Et il y a un autre imam de son époque qui a le même nom que lui, Soufyan ibn Uyayna, hein, Et souvent on dit justement les deux Soufianes. Comme on dit les deux Razi, hein, eh bien on dit aussi les deux Soufianes. Et quand on désigne les deux, c'est-à-dire Soufiane ibn Uyayna et Soufiane al-Thawri. Donc ça c'est les deux Soufianes. Et Soufiane ibn Uyayna est plus connu pour le hadith, le fait de rapporter les hadiths, et Soufiane al-Thawri est plus connu pour son fiqh. Et donc, il avait même un madhab aussi, hein, le madhab al-Thawri, et c'est un madhab qui ne s'est pas préservé, qui ne s'est pas propagé. La même chose que, aussi, que l'imam al-Layth ibn Sa'd aussi avait un madhab. Tous ces imams-là avaient des, tous ces grands imams avaient un madhab à eux, comme l'imam al-Awza'i aussi, la même chose. Hein, tous ces grands imams avaient leur propre madhab. Et si les élèves de ces imams avaient préservé leurs paroles, eh bien, on aurait aujourd'hui les écoles de ces imams-là qui seraient enseignées et aussi célèbres que les quatre madhahib qu'on connaît aujourd'hui, le madhab Hanafi, Shafi'i, et Maliki et Hanbali, la même chose. Sauf qu'ils n'ont pas été préservés. Mais de toute façon, ce n'est pas grave, parce que qu'est-ce qui est important, c'est leur science qui a été préservée, et les hadiths qu'ils ont rapportés qui ont été préservés aussi. Alhamdulillah. Naam, donc. Naam. Donc, il a eu plusieurs chouyoukh, il a étudié, l'imam al-Thawri, il a étudié avec plusieurs ulama. On dit de lui qu'il avait 600 cheikhs. Hein? Et ceux qui ont rapporté de lui, c'est le nombre de personnes qui a rapporté des hadiths de l'imam al-Thawri, c'est presque 1000 personnes. Les grands imams ont fait ses éloges, comme l'imam Ahmad ibn al-Mubarak, Shu'ba, Yahya ibn Ma'in, Yahya ibn Sa'id al-Qattan, ibn Mahdi, et bien d'autres parmi les ulama ont dit de lui que c'était Amir al-Mu'minin fil hadith. Donc c'était un grand savant. Il est né en l'an 97. Il est né en l'an 97 et il est mort en l'an 121. Donc, voilà un exemple de ces imams, de ces grands imams de la science de l'islam de l'époque. Et donc, voilà, quand on parle de l'imam al-Awza'i, maintenant vous avez quand même une petite idée de quel calibre de savant on parle. Hein? Et donc, par rapport à la parole de l'imam al-Awza'i, qu'est-ce qui a été dit à ce sujet-là? الشيخ بن باز اللي دي في شرح قال سماحة الشيخ وهذا الأوزاعي أبو عمرو الأوزاعي عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي أحد الأئمة الكبار وهو عالم الشام وإليه المرجع في زمانه كان يقول رحمه الله كنا نقول والتابعون متوافرون لأنه أدرك جميعا كبيرا من لأنه أدرك جمعا كبيرا من التابعين أن الله جل وعلا فوق عرشه يعني نؤمن بذلك ونقر بأنه فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى ومع هذا نؤمن بما ثبت في السنة من صفاته سبحانه وتعالى كما نؤمن بما جاء به القرآن من صفاته جل وعلا فما جاء في القرآن من علمه وحكمته ورحمته وعلوه واستوائه على عرشه كله حق وهكذا ما جاءت به السنة الأحاديث الصحيحة لأن الوحي الثاني كالوحي الأول فالسنة هي الوحي الثاني وهي الأول والوحي الأول هو القرآن وهو الأصل فما جاء في السنة الصحيحة فهو من جنس ما جاء في القرآن يجب الإيمان به وإثباته وإقراره واعتقاده والدعوة إليه والذب عنه. Donc l'imam Cheikh Ibn Baz rahimahullah, il dit que cet imam, l'imam Al-Awza'i, Abu Amr Rahman Ibn Amr Al-Awza'i, un des grands imams et le savant de la région du Sham, et c'est vers lui que la science revenait dans cette région-là à cette époque. Donc il disait rahimahullah, lorsque les tabi'oun, les élèves des sahaba, étaient encore présents et nombreux, parce qu'il a rencontré un grand nombre d'entre les tabi'in, il dit, nous disions que Allah est au-dessus de son trône. Cheikh Ibn Baz, il dit, c'est-à-dire, hein, ça veut dire que, yani, on croyait qu'Allah est au-dessus de son trône et on affirmait cela. On affirmait qu'Allah était au-dessus de son trône et au-dessus de toute la création. Et ensuite, également, on croyait à ce qui a été affirmé et établi authentiquement dans la Sunna comme attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, de la même manière, donc, comme on croit que tout ce qui est dans le Coran également, tout ce qui est mentionné également dans le Coran, on l'affirme comme attribut, yani, on l'affirme à Allah. Donc, tout ce qui a, de la même manière qu'on croit à tout ce qui est mentionné dans le Coran comme attribut, de la science d'Allah, de la sagesse d'Allah, de la miséricorde d'Allah, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala est élevé au-dessus de son trône, et qu'il est monté au-dessus du trône, hein, istawa alayhi. Donc, on croit que ça, tout ça c'est vrai, eh bien, de la même manière aussi, on croit en tout ce qui a été rapporté dans la Sunna de ces choses-là également. Et bien entendu, c'est-à-dire les hadiths authentiques. Quand on parle de la Sunna, on parle des hadiths authentiques sur les différentes questions. Et pourquoi? Parce que c'est la deuxième révélation. La première, c'est comme la première révélation. La deuxième révélation, c'est le Coran. Et la deuxième révélation, c'est la Sunna. La première révélation, qui est le Coran, ça c'est la base. Puis ce qui a été rapporté dans la Sunna authentique, c'est la deuxième révélation. Et c'est de la même catégorie que le Coran. C'est-à-dire que, on peut dire que ça fait partie de la révélation autant que le Coran. Et il est obligatoire de croire en la Sunna et d'affirmer ce qui est mentionné dans la Sunna et de le déclarer, hein, de déclarer et d'y croire et d'inviter les gens à l'accepter et de défendre cette Sunna aussi. Contrairement aux Ahmadiyya, ce qu'on appelle parfois aussi Qadianiyya, hein, c'est une secte qui vient de l'Inde et du Pakistan, qui prétend qu'il y a un prophète qui est venu à notre époque ou à l'époque de la colonisation anglaise en Inde, un homme qui s'est déclaré prophète lui-même et il s'appelle Ghulam Ahmad. Donc, parmi leurs croyances, c'est qu'il faut juste suivre le Coran, il ne faut pas croire en la Sunna. Et c'est un groupe que les savants de l'islam dans tous les pays du monde entier aujourd'hui déclarent comme étant des mécréants et des apostats, des hérétiques. Et dernièrement, ils ont ouvert une nouvelle mosquée de leur centre, de leur fausse croyance ici à Montréal, dans le quartier Saint-Michel. Donc c'est pour cette raison-là que il faut mettre en garde les musulmans contre le danger de cette secte d'égarement de ce groupe de coufres. En plus que ils ont au Canada la plus grande mosquée au Canada, c'est la mosquée des Ahmadiyya. Ils ont leur propre ville presque plus loin dans l'ouest du Canada. Donc c'est pour dire que c'est très important donc de mettre en garde contre cette secte d'égarement qui rejette la Sunna, qui prétend qu'il y a un autre prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui nie plusieurs aspects de l'islam, et donc comme par exemple le djihad et d'autres éléments aussi de la religion musulmane, il les renie et il les rejette. Donc c'est très très dangereux et il faut faire très attention donc et suivre de très près donc les éléments de cette secte et qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils propagent parce qu'ils ramènent avec eux beaucoup de dangers, beaucoup de shubuhat. Ensuite, en ce qui concerne la suite de la parole de l'imam Ibn Taymiyyah, donc l'imam Ibn Taymiyyah, il dit donc que l'imam Al-Auza'i fait partie des quatre imams de cette époque des Tabi'in. On a dit c'était l'imam Malik, l'imam Al-Auza'i, l'imam Al-Layth Ibn Sa'd et l'imam Thawri, Sufyan Al-Thawri en Irak, qui ont mentionné donc cette parole très célèbre qui était dite à l'époque des Tabi'in, c'est-à-dire la foi en Allah et qu'il est au-dessus de son trône, et la foi en ses attributs qui sont rapportés dans la révélation. Les attributs d'Allah qui sont rapportés dans la révélation, c'est-à-dire sifat al-sam'iyya. Sifat al-sam'iyya, sam'iyya ça vient de sam', sam' ça veut dire l'ouïe. Et pourquoi on dit sifat al-sam'iyya? C'est parce que c'est des attributs qui sont affirmés par la révélation. Par opposition à qu'est-ce que les gens de Kalam appellent sifat al-aqliya, des attributs rationnels. C'est-à-dire que, selon eux, ça c'est des attributs qui sont affirmés par la raison. C'est les sept attributs qu'ils affirment. Les autres attributs d'Allah qui sont dans le Coran et dans la Sunna, ils ne les appellent pas aqliya parce que selon eux, on ne peut pas les approuver, on peut pas les prouver par la raison. Et ça, bien entendu, c'est pas vrai, c'est faux, mais comme on sait, ces gens-là, c'est des gens de passion et d'égarement. Donc, ils ont ramené cette division-là des attributs et c'est juste pour dire que c'est des exemples de termes qu'ils emploient. Sam'iyya. Et souvent vous allez entendre par exemple al-aql ou al-naql. Naql c'est la révélation et al-aql c'est la raison. Et parfois vous allez entendre al-sam'. Al-sam' c'est la révélation et al-aql, la raison. Qu'est-ce qu'ils appellent eux la raison? Donc, il dit, Cheikh Ibn Baz, fi zamanihim. C'est-à-dire à l'époque de ces imams-là. Wa innama qala al-Awza'i hadha ba'da dhuhuri madhhabi Jahm. L'imam al-Awza'i, il a dit cette parole. L'imam al-Awza'i a dit cette parole à l'époque des tabi'in. C'est-à-dire l'imam Malik al-Awza'i. Al-Layth ibn Sa'd et Al-Thawri. Il a mentionné cette parole pour dire comme à l'époque où les tabi'in étaient nombreux, c'est pour exprimer à quel point cette parole elle était célèbre. De dire que Allah est au-dessus de son trône, c'était quelque chose qui était connu, célèbre, c'était propagé, tout le monde disait ça. Allah est au-dessus de son trône. Et de croire que Allah est au-dessus de son trône, de croire en ses attributs. C'est pour exprimer à quel point cette parole-là était célèbre à l'époque des tabi'in. Il y a une divergence, plutôt il y a différentes versions des manuscrits de Al-Hamawiyya et dans certains manuscrits, cette parole qui est mentionnée dans le Sharh de Cheikh Ibn Baz ici de la parole de Ibn Taymiyyah, elle est mentionnée également, mais pas au même endroit. C'est la parole suivante. إنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم المنكر لكون الله فوق عرشه والنافي لصفاته ليعرف الناس أن مذهب السلف خلاف ذلك. C'est-à-dire que l'imam al-Awza'i, il a uniquement mentionné ça, il a dit cette parole, c'est-à-dire que les tabi'oun à l'époque, ils disaient qu'Allah est au-dessus de son trône et on croit en ce qui a été rapporté dans les hadiths des attributs d'Allah. Il a dit ça après que soit apparue la parole de Jahm ibn Safwan, celui qui nie que Allah est au-dessus de son trône et qui nie ses attributs. Et il a donc dit ça pour que les gens sachent que la position des salafs et la voie des salafs est en contradiction avec la position de Jahm ibn Safwan et des négateurs des noms et des attributs d'Allah. Naam. Donc ça c'était la phrase en question. Hein, et comme on voit ici dans les notes de bas de page de la version qui a été corrigée, il mentionne que cette citation ou cette parole de Ibn Taymiyyah, elle a été déplacée ou mentionnée ailleurs hein, dans d'autres manuscrits. Okay. Donc ensuite, l'imam Ibn Taymiyyah, il passe à une autre citation. C'est une autre parole qui est attribuée à l'imam Makhoul et Az-Zuhri et qui est citée de l'imam Al-Awza'i. C'est l'imam Al-Awza'i qui rapporte cette parole de ces deux grands imams. Donc, il s'est cité par Abu Bakr al-Khalal dans son livre Al-Sunnah. Donc, il dit, Ibn Taymiyyah, il dit, « Rawa Abu Bakr al-Khalal fi kitab Sunnah an al-Awza'i qal su'ila makhoulun wal-Zuhri an tafsir al-Ahadith faqala amirruha kama ja'at. Amirruha kama ja'at. » Donc, Al-Khalal, Abu Bakr Al-Khalal, c'est un des grands imams. C'est un des grands imams et des compagnons de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Hein? Et il cite donc la parole de l'imam Al-Awza'i, on a vu c'était qui. Et c'est la parole qui mentionne que Makhoul et Az-Zuhri ont été questionnés au sujet de l'interprétation des hadiths. Les hadiths qui parlent des attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et les deux ont répondu et ils ont dit « Amirruha kama ja'at » c'est-à-dire « Laissez-les tels qu'ils sont, comme ils sont rapportés. Laissez ces vers, ces hadiths et rapportez-les et mentionnez-les tels qu'ils sont. » Donc ça c'est un exemple de citation des salafs à ce sujet-là. Naam, Makhoul c'est Abu Abdillah. Makhoul al-Azdi al-Basri. Il a rapporté selon Ibn Omar et Anas. Donc c'est un tabi'i. Wa kana min fusaha'i ahli al-Basra. Il faisait partie des gens éloquents de la ville de Basra en Irak. قال سعيد بن عبد العزيز لم يكن عندنا أحد أحسن سمتا في العبادة من مكحول وربيعة بن يزيد هذا كلامه. C'était des gens qui avaient de l'adoration, yani, qui avaient de la piété. Il fait partie de la génération de Az-Zuhri. Az-Zuhri c'est qui? Son nom c'est Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Shihab Abu Bakr al-Qurashi al-Zuhri al-Madani. Il a vécu à l'époque des grands parmi les Sahaba, des grands Sahaba. Il a rapporté de certains d'entre eux. Il fait partie des sept fuqaha, hein, des sept fuqaha dont on a parlé déjà. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit حفظ الزهري الإسلام نحو من 70 سنة انتهى كلامه. Le Cheikh l'Islam il dit il a préservé et gardé l'islam pendant 70 ans. Donc il est mort, l'imam al-Zuhri, il est né en l'an 50. L'imam al-Zuhri est né en l'an 50 et c'est-à-dire après la Hijra, et il est mort en l'an 124. Donc ça c'est les paroles de Makhoul et de Az-Zuhri. Donc ils ont dit tous les deux, lorsqu'on leur a posé la question au sujet des hadiths qui parlent des attributs d'Allah, ils ont dit yani amirruha kama ja'at, c'est-à-dire telles qu'elles sont, yani citez-les et mentionnez-les, passez sur ces hadiths-là tels qu'ils sont. Essayez pas de, yani en d'autres mots, laissez-les dans leur sens apparent, tel quel. N'essayez pas de déformer leur sens ou de changer leur signification, comme le font les Mubtadi'a, qui nient les noms et les attributs d'Allah. Il y a d'autres exemples des paroles des salafs qui sont mentionnées à la suite de ça, qui clarifient donc cette parole. L'exemple, روي أيضا عن الوليد بن مسلم قال سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات فقالوا أمروها كما جاءت وفي رواية فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف. Donc ça c'est deux citations, ou une citation mais avec un ajout. C'est selon Al-Walid ibn Muslim, il dit, j'ai posé la question à Malik ibn Anas, Sufyan al-Thawri, Al-Layth ibn Sa'd et Al-Awza'i au sujet des narrations ou des hadiths qui mentionnent les attributs d'Allah. Et ils ont dit, mentionnez-les tels qu'ils sont, laissez-les tels qu'ils sont. Et dans une autre narration, ils ont dit, Amirruha kama ja'at bila kayf, c'est-à-dire, laissez-les tels qu'ils sont et citez-les tels qu'ils sont sans yani, chercher à comprendre le comment, hein, ou sans yani, essayer de chercher le comment. Bila kayf. Non, parce que le comment, on a déjà expliqué que le comment de ces attributs-là, on ne le connaît pas. On ne sait pas comment les attributs d'Allah sont. Non. Donc ça, c'est une autre parole. Maintenant, on connaît ces quatre imams parce qu'on en a parlé. Imaginez, yani, celui qui rapporte de ces quatre imams. Subhanallah. Al-Walid ibn Muslim. Hein? C'est un des ulama de l'époque, un des savants, qui s'en va rencontrer ces quatre imams. Donc l'imam Malik, l'imam Sufyan al-Thawri, l'imam Layth ibn Sa'd et l'imam al-Awza'i s'en va pour leur poser la question, qu'est-ce qu'on fait avec les hadiths qui parlent des attributs d'Allah, hein? Parce qu'ils cherchent la science, ils cherchent la compréhension, et ils veulent savoir c'est quoi la position des ulama et des salafs sur ces hadiths-là, hein? Et ils répondent tous la même chose. Amirruha kama ja'at. Laissez-les tels qu'ils sont, bila kayf. Sans essayer de chercher à connaître le comment ou à décrire le comment ou des choses comme ça. Donc, Al-Walid ibn Muslim, c'est un des savants de la région de Hacham, de la Syrie. Il s'appelle sa kunya c'est Abul Abbas al-Dimashqi. Il venait de Damas. Il a beaucoup voyagé et il a écrit de nombreux ouvrages, de nombreux livres. L'imam Ahmad a écrit ou a dit à son sujet: Ma ra'aytu fi ash-shamiyyin ahadan a'qalu min al-Walid ibn Muslim. C'est-à-dire, je n'ai pas vu parmi les gens de la région du Sham de plus intelligent que Al-Walid ibn Muslim. Donc c'est de lui qu'on parle. نعم رمي بالتدليس ولكن وثقه العلماء فيما صرح فيه بالتحديث وقد أخرج له البخاري ومسلم انتقاء توفي في سنة 95 و100. Donc il est mort, Al-Walid ibn Muslim, il est mort en 195 de la Hijra. Il a été accusé de tadlis, mais les ulama ont quand même mentionné qu'il est fiable dans le hadith lorsqu'il rapporte explicitement qu'il a entendu le hadith et qu'il cite explicitement qu'il l'a entendu. Et l'imam al-Bukhari et Muslim ont rapporté des hadiths de lui. Donc ça c'est Al-Walid ibn Muslim. Donc ça c'est rapporté dans la sunna de l'imam Al-Khalal. On n'a pas parlé de Al-Khalal, mais on a parlé de lui dans les cours précédents. dans son livre à propos de son livre As-Sunnah. Son nom, l'imam Al-Khalal, c'est Abu Bakr Ahmad, donc Abu Bakr Ahmad ibn Muhammad ibn Harun ibn Yazid Al-Khalal. C'est un des cheikhs, un des shuyukh et des savants du madhab Hanbali. Et on l'appelait Al-Khalal parce qu'il vendait Al-Khal. Al-Khal, c'est, si je ne me trompe pas, c'est le vinaigre. Donc, puisqu'il vendait du vinaigre, on l'appelait Al-Khalal. Il a appris le fiqh de plusieurs des compagnons de l'imam Ahmad et il a été l'élève de Abu Bakr al-Marwazi, un des grands imams des salaf. Il a voyagé beaucoup. Il a voyagé beaucoup dans la quête de la science, dans le but de rassembler les questions qui ont été posées à l'imam Ahmad, et les sujets qui ont été posés à l'imam Ahmad et ses réponses. Et نعم. وعنه ابن ناصر الدين وهو رحال واسع العلم. Donc il voyageait beaucoup. L'imam Al-Khalal, il est né en l'an 234 et il est mort en l'an 311, à l'âge de 77 ans. Son livre As-Sunnah, c'est un livre qui rassemble les positions des ulama, d'Ahl-Sunnah, des imams de la Sunnah, au sujet de la position des salafs sur la aqidah et sur le manhaj. C'est plusieurs volumes. Donc c'est lui qui rapporte cette parole également, comme il a rapporté de l'imam Al-Awza'i la parole précédente, et de Al-Walid ibn Muslim cette parole dans laquelle il mentionne qu'il a posé la question à Malik ibn Anas, Sufyan al-Thawri, Al-Layth ibn Sa'd et Al-Awza'i au sujet des noms et des attributs, et la réponse qu'il a donnée à ce sujet-là. Maintenant, Cheikh al-Islam, il explique qu'est-ce que ça signifie cette parole de ces imams quand ils disent Amirruha kama ja'at et Amirruha kama ja'at bila kayf. Qu'est-ce que ça signifie? Bon, on va lire l'explication de Cheikh bin Baz, puis après, on va lire la suite de l'explication de Ibn Taymiyyah. Donc, Cheikh bin Baz, hafizahullah wa rahimahullah, Cheikh bin Baz, il dit, il dit, هؤلاء هم أئمة الدنيا في زمانهم. مالك في المدينة, الثوري في العراق, وفي العراق في الكوفة, والأوزاعي في الشام, والليث بن سعد في مصر, وهم أئمة زمانهم وعلماء زمانهم في الثقة والرواية والفقه رحمهم الله. قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف. Donc ça, c'est pour revenir à l'exemple de ces quatre imams dont on a parlé, rapporté dans la citation de Al-Walid ibn Muslim, quand il a posé les questions à ces quatre imams. On a dit que c'était les quatre imams de l'époque. C'est comme aujourd'hui, à notre époque, on dit les quatre grands savants de notre époque, ou les trois grands savants de notre époque, c'était l'imam Abdulaziz ibn Baz, l'imam Muhammad Nasruddin al-Albani et l'imam Muhammad ibn Salih al-Uthaymin. On dit à notre époque, c'était eux, les trois grands imams. Donc, trois grands savants de Ahl-Sunnah al-Jama'a, les imams parmi les salafiyins. Donc, à leur époque, c'était les grands savants des salafs. À cette époque-là, c'était ces quatre-là et chacun dans sa région. Et donc, ce sont les imams de l'époque dans le fiqh et dans la transmission des hadiths. Et eux, ils ont dit, laissez ces hadiths-là tels qu'ils sont. Rapportez-les tels quels, comme ils ont été rapportés, comme ils sont venus, sans chercher le comment, ou sans parler du comment. Cheikh, il explique, il dit, « Ya'ni, aminu bima aminu biha kama ja'at, c'est-à-dire croyez en ces hadiths là tels qu'ils sont venus, tels qu'ils sont venus de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la part du messager sallallahu alayhi wa sallam. Yani aminu biha kama ja'at anillahi wa an rasulihi bila kayf, yani bighayr kayf, c'est-à-dire croyez en ces hadiths qui parlent des attributs d'Allah tels qu'ils sont venus de la part d'Allah et dans le Coran, de la part du messager sallallahu alayhi wa sallam, dans la sunna, sans poser la question ou sans chercher le commun. La ya'lamu kayfiyataha, la ya'lamu kayfiyataha illa hu, la ya'lamu kayfiyataha illa huwa subhanahu wa ta'ala. Wa li hadha qala Malik lamma su'ila 'an al-istiwa قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهكذا جاء عن ربيعة شيخه وأم سلمة أم المؤمنين. وهكذا قال الليث بن سعد المصري وسفيان الثوري رحمه الله والأوزاعي وإسحاق بن راهوية بعده وأحمد بن حنبل وسفيان بن عيينة وغيرهم من أئمة الإسلام كلهم على هذا الطريق. يجب أن تمر آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من دون تأويل ولا إلحاد، بل تمر كما جاءت مع الإيمان بأنها حق وأن صفات وأنها صفات ثابتة لله عز وجل تليق به سبحانه، لا يشابه في لا يشابه فيها خلقه جل وعلا، كما قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الشيخ بن باز الدي croyez en ces textes qui parlent des attributs d'Allah tels qu'ils sont venus de la part d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam, sans chercher le commun, parce que nul ne connaît le commun de ces noms et de ces attributs excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cette raison que l'imam Malik, lorsqu'on lui a posé la question à propos de al-istiwa, il a dit al-istiwa, c'est quelque chose qui est connu. C'est-à-dire, on sait ce que ça signifie. On connaît sa signification. Mais le commun, on l'ignore. On ne sait pas le commun. La foi en cela est obligatoire. C'est obligatoire d'y croire. Et le fait de questionner à ce sujet-là, c'est une innovation. Poser des questions sur le commun, c'est une bid'a. Il a répondu ça lorsqu'on lui a posé la question au sujet du commun. Et il dit que également cela a été rapporté du cheikh de l'imam Malik, c'est-à-dire Rabi'a, et également de Umm al-Mu'minin, Umm Salama, la mère des croyants. De même que ça a été rapporté aussi de l'imam Ibn Sa'd al-Misri, yani al-Layth Ibn Sa'd, et de l'imam Sufyan al-Thawri, et de l'imam al-Awza'i, et de l'imam Ishaq ibn Rahouya, après lui. Et également de l'imam Ahmad ibn Hanbal, et de l'imam Sufyan ibn Uyayna, et d'autres également parmi les grands imams de l'islam. Tous ces grands imams sont sur cette voie, et il est obligatoire de laisser donc de prendre ces versets au sujet des attributs d'Allah, et de prendre les hadiths au sujet des attributs d'Allah tels qu'ils sont venus, sans essayer de déformer leur sens ou de dénaturer les versets et les attributs d'Allah. Mais au contraire, on doit les prendre tels qu'ils sont et les laisser tels qu'ils sont venus, tout en croyant que c'est des choses qui sont véridiques, qui sont vraies, et que ce sont des attributs qui sont affirmés réellement à Allah subhanahu wa ta'ala tel que cela lui convient, et dans lesquels il n'y a aucune ressemblance avec la création d'Allah. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans sourate Al-Ikhlas, il dit c'est lui, Allah, l'unique, Allah, As-Samad, c'est-à-dire celui vers qui toutes les créatures se tournent pour obtenir ce qu'elles veulent, ce qu'elles ont besoin. Lam yalid wa lam yulad, c'est-à-dire il n'a pas été engendré et il n'a pas engendré, et il n'y a rien de comparable ou d'égal à lui. Et dans le verset, dans Surat al-Nahl, le verset 74, فَلَا تَضْرِبُ لِلَّهِ الْأَمْثَالِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. C'est-à-dire, ne faites pas de comparaison avec Allah subhanahu wa ta'ala, ne faites pas d'analogie avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui sait, et vous ne savez pas. Et également le verset 11 dans Surat Ash-Shura, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, il n'y a rien comme lui, il n'y a rien qui lui ressemble. Et il est l'audient et le voyant. Il est l'audient et le voyant. Donc on affirme les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Ibn Baz, il a dit ça, donc on a lu ça à sa parole. Maintenant, Cheikh Ibn Taymiyyah, il continue l'explication donc, de la parole des salaf. Amirruha kama ja'at bila kayf. Amirruha kama ja'at bila kayf. Il dit, قولهم أمروها كما جاءت رد على المعطلة وقولهم بلا كيف رد على الممثلة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله il explique donc cette parole des salaf. Il dit, quand les salaf disent أمروها كما جاءت, ça c'est une réfutation des معطلة, c'est-à-dire c'est une réfutation des gens qui nient les attributs d'Allah, c'est-à-dire qui refusent de les affirmer ou qui les vident de leur sens, qui vident les attributs d'Allah de leur sens. Hein, ils disent qu'il ne faut pas les affirmer, ces attributs-là. Donc ça vient contredire ce que les Mu'abtila disent, parce que les salafs, eux, disaient « Amirruha kamadja'at », ça veut dire « Affirmez-les et croyez en ces attributs-là et laissez-les telles qu'elles sont dans leur sens apparent. » Hein? Donc, affirmez-les et mentionnez-les telles qu'elles sont. Si Allah dit qu'il a une main, on dit qu'il a une main. Si Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il est au-dessus, il s'est élevé au-dessus de son trône, istawa ala al-arsh, vous dites istawa ala al-arsh. Hein? Il dit bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha, tu dis yani an Allah subhanahu wa ta'ala lahu yadan mabsutatan yunfiqu kayfa yasha. Hein? Tu le dis tel que c'est mentionné. Bila kayf. Hein, l'autre partie, c'est bila kayf, c'est-à-dire sans chercher à savoir comment sont les attributs d'Allah, ou à poser la question au sujet du comment, ou à essayer d'interpréter le comment. Non, ça c'est pas permis. Et ça, c'est une réfutation pour les mumathila, c'est-à-dire pour ceux qui veulent essayer de faire une ressemblance entre Allah et sa création. Donc quand tu dis bila kayf, ça y est, tu dois pas essayer de décrire le comment et essayer de comprendre le comment ou de connaître le comment. Seul Allah connaît le comment. Hein? Et ça réfute les gens qui veulent faire une ressemblance entre Allah et sa création. Ensuite, Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, il continue et il dit « وَالزُّهْرِ وَمَكْحُولُ هُمَا أَعْلَمُ التَّابِعِينَ فِي زَمَانِهِمْ » Donc, Al-Zuhri et Makhoul, Ibn Taymiyyah dit, ce sont les deux plus savants parmi les tabi'in de leur époque. C'est les deux tabi'in de leur époque les plus savants. Et il dit, Wal-Arba'atul Baqoun, hum a'immatu dunya fi asri tabi'at tabi'in. Et les quatre autres qu'on a mentionnés, c'est-à-dire, l'imam Malik, l'imam Al-Awza'i, l'imam Al-Layth ibn Sa'd, et l'imam Al-Sawri, ces quatre-là sont les imams du monde entier, les plus savants du monde entier à l'époque des tabi'in. C'est eux les imams de l'époque. Hein? Il dit, وَإِنَّمَا قَالَ الْأَوْزَاعِ هَذَا بَعْدَ ظُهُورِ أَمْرِ جَهْمِ الْمُنْكِرِ لِكَوْنِ اللَّهِ فَوْقَ عَرْشِهِ وَالنَّافِي لِصِفَاتِهِ. C'est bon. Là, vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit, il y a une parole de l'imam Al-Awza'i qui avait été citée plus tôt, mais qu'elle a été dans d'autres manuscrits, elle est mentionnée après, et bien c'est maintenant. certains manuscrits mentionnent cette phrase plus tôt et d'autres manuscrits la mentionnent ici. Donc c'est pour dire que parfois tu peux avoir une version dans laquelle tu vois il y a une différence, mais ça ne veut pas dire que yani, c'est une différence qui change quoi que ce soit, puisque parfois c'est quelque chose qui a été mis à une autre place, mais ça revient au même. Donc ça dit que l'imam Al-Auza'i a dit ça uniquement après l'apparition des histoires de Jahm, qui niait que Allah était au-dessus de son trône et qui niait les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. ليعرف الناس أن مذهب السلف كان خلاف ذلك. Pour que les gens sachent que la position des salaf au sujet des attributs d'Allah, c'était en contradiction avec ce que disait l'imam, en contradiction avec ce que disait yani Jahm ibn Safwan, l'égaré, le yani le mulhid, hein, l'hérétique, l'athée, le mécréant. يعني ومن طبقتهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهما. Et parmi les savants de leur génération et de leur degré, c'est-à-dire de ces quatre imams qu'on a mentionnés, Al-Auza'i et Al-Layth et Al-Thawri et Malik, il y a aussi deux grands imams des salafs qui s'appelaient les deux Hammad. Hammad ibn Zayd et Hammad ibn Salama. Donc c'est pour ça que parfois vous allez voir dans les livres des ulama, quand ils parlent des imams des salafs, ils vont dire les deux Soufiane. Je vous ai dit tout à l'heure les deux Soufiane. Soufiane al-Thawri, Soufiane ibn Uyayna. Les deux Razi, hein, Abu Zur'a, Abu Hatim al-Razi et Abu Zur'a al-Razi, dont on a parlé de leur aqidah, hein, dans le cours qu'on fait habituellement le samedi, mais qu'on va faire demain exceptionnellement parce que j'ai mélangé les jours. Donc les deux Razi, et aussi les deux Hammad, Hammad ibn Zayd et Hammad ibn Salama. On va revenir à ces deux Hammad et on va mentionner qui ils sont. Et non. Donc, qui sont ces deux grands imams, Hammad ibn Zayd et Hammad ibn Salama? Hammad ibn Zayd, son nom c'est Hammad ibn Zayd ibn Dirham, Abu Ismail, sa kunya c'est Abu Ismail, Al-Azdi. C'est un des grands imams de son époque et un des compagnons de la même âge que l'imam Malik. Min Aqran al-Imam Malik. Un des grands imams des salafs a dit à son sujet, l'imam Abdurrahman ibn Mahdi a dit: A'immatun nas fi zamanihim arba'a wa 'adda minhum Hammad ibn Zayd wa qala lam ara ahadan a'lama bis-sunnah wala bil-hadith alladhi yadkhulu fis-sunnati min Hammad ibn Zayd. Intaha kalamuh. Donc l'imam Abdurrahman ibn Mahdi, il a dit quoi? Il dit les imams de leur époque sont de quatre. Les imams de leur époque sont quatre. Et parmi eux, il a cité Hammad ibn Zayd. Puis il a dit: je n'ai jamais vu quelqu'un de plus savant au sujet de la sunna, ni au sujet des hadiths, hein, et de ceux qui rentrent dans la sunna, que l'imam Hammad ibn Zayd. Hein? Et l'imam al-Dahabi, il a dit à propos de Hammad ibn Zayd: la a'lamu bayna al-ulama niza'an fi anna Hammad ibn Zayd min a'immat as-salaf. Intaha kalamu. Donc l'imam al-Dahabi, il a dit: je ne connais aucune dispute, hein, ou conflit entre les ulama au sujet du fait que Hammad ibn Zayd est un des imams parmi les salafs. Un des imams des salafs. Fin de la citation. L'imam Hammad ibn Zayd, il est né en quelle année? Il est né en l'année 98 après la Hijra. Et il est mort en 173. 173 de la Hijra. Donc ça c'est Hammad ibn Zayd. Et l'autre Hammad, Hammad ibn Salama, son nom c'est Hammad ibn Salama ibn Dinar. Subhanallah. C'est surprenant aussi de, dans le sens que Hammad ibn Zayd, il s'appelle Hammad ibn Zayd ibn Dirham. Et Hammad ibn Salama s'appelle Hammad ibn Salama ibn Dinar. Yani, subhanallah, un il a parmi ses grands-parents Dirham et l'autre il a parmi ses grands-parents Dinar. Subhanallah. Il est Abu Salama, sa kunya c'est Abu Hammad ibn Salama, sa kunya c'est Abu Salama al-Basri. Et c'est l'imam al-Thabt min Aqran Hammad ibn Zayd. Donc, l'imam al-Thabt, c'est-à-dire c'est un imam, tu ne trouveras pas d'erreur dans ses narrations. Il rapporte mot pour mot les hadiths quand il ramène. C'est un des gens de la même génération, même âge que Hammad ibn Zayd, donc que l'imam Malik aussi. Et l'imam al-Dhahabi, il a dit à son sujet, « Kana bahran » من بحور العلم وكان رأسا في السنة انتهى كلامه. Donc c'était un océan de science parmi les océans de science et une tête, c'est-à-dire un des chefs, un des chefs de file dans la sunna. انتهى كلامه. وكان ممن عمر وقته بالعبادة والذكر حتى قال عبد الرحمن بن مهدي لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا. انتهى كلامه. C'est-à-dire l'imam Abd al-Rahman ibn Mahdi, un des imams des salaf, a dit à propos de Hammad ibn Salama, si on disait à Hammad ibn Salama, tu vas mourir demain, il ne serait pas capable de rien rajouter de ses actions et des œuvres qu'il faisait, tellement il faisait d'adoration et de dhikr. Il est mort en quelle année, l'imam Hammad ibn Salama? Il est mort en l'an 167 de la Hijra. J'aime ça, j'aime mettre de l'importance sur les dates et sur les personnages, c'est-à-dire les personnes de qui on rapporte ces paroles-là. Parce que si on ne sait pas, si on ignore à quelle époque ils ont vécu et qui ils sont et qu'est-ce que les savants ont dit à leur sujet parmi les salafs, eh bien, ça ne nous donne pas vraiment la force de l'implication de ces paroles-là. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça fait comme si on fait juste rapporter des citations, des paroles, mais on ne sait même pas qui de... On dit des noms, mais on ne sait pas de qui, et on ne sait pas qui ils sont, et quand est-ce qu'ils ont vécu. Donc, ça ne donne pas la grandeur et l'effet que ça doit donner. Tandis que si on sait de qui on parle, à quelle année ils ont vécu, et qu'est-ce qu'ils étaient dans la science, et bien là, ça donne à la parole toute sa pesanteur, tout son poids, toute sa force. Et donc, on voit clairement maintenant que ces imams-là, qui ils étaient, et quand il parlait de ces questions au sujet des noms et des attributs, à leur époque, avant même par exemple, Al-Ash'ari, Abu al-Hassan Al-Ash'ari existe, il n'était même pas encore né, c'est des générations avant Al-Ash'ari, qu'eux, ils disaient ça, eh bien, ça nous fait comprendre clairement que la position de Ahl al-Sunnati wal-Jama'a au sujet des noms et des attributs d'Allah, c'est pas la position des gens de Kalam, c'est pas la position des Asha'ira, c'est pas la position des Maturidiyah, mais c'est la position des Salaf al-Salih. C'est l'affirmation des noms et des attributs d'Allah. Ça, c'est des exemples. Aïnaab. Ok. Donc, ensuite, on va lire une dernière citation et puis on va s'arrêter. La dernière citation, c'est « وَرَوَى أَبُو الْقَاسِمِ الْأَزْجِي بِإِسْنَادِهِ عن مطرف ابن عبد الله مطرف ابن عبد الله si je ne me trompe pas c'est Ash-Shikhir c'est rapporté donc Abu al-Qasim al-Azji il rapporte avec sa chaîne de transmission selon Mutarrif ibn Abdullah il dit قال سمعت مالك ابن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول قال عمر ابن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد من خلق الله تعالى تغييرها ولا النظر في شيء خالفها من اهتدى بها فهو مهتد ومن انتصر بها فهو منصور ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا نعم donc c'est une parole très forte de Omar ibn Abdul Aziz en fait c'est rapporté selon Omar ibn Abdul Aziz et c'est qui est-ce qui rapporte cette parole c'est l'imam Malik ibn Anas et qui est-ce qui la rapporte de l'imam Malik ibn Anas c'est Mutarrif ibn Abdullah avec sa chaîne de transmission et tout ça c'est rapporté par Abu al-Qasim al-Azji avec sa chaîne de transmission Naam donc juste pour jeter un petit regard maintenant à cette chaîne de transmission ou de qui cette parole est rapportée l'imam Abu al-Qasim al-Azji c'est son nom c'est Abdul Aziz ibn Ali ibn Ahmed al-Baghdadi al-Azji Azji بفتح الألف والزاي donc الأزجي certains disent الأزجي donc الأزجي donc الألف والزاي الأزجي et pourquoi on dit الأزجي نسبة إلى باب الأزج وهي محلة كبيرة ببغداد Donc c'est un endroit de Bagdad qui s'appelait Al-Azaj, Bab Al-Azaj, la porte de Azaj. On l'appelait comme ça, Al-Azaji à cause de ça. Kana sahibu hadith wa sunna, c'était quelqu'un qui était sur la sunna et il rapportait les hadiths, c'est un savant hadith. Zakara al-Zahabi anna lahu musannaf fi sifat. Il a écrit il a des ouvrages à propos des attributs. توفي سنة 44 و400 il est mort en l'an 444 et il est né en l'an 357 l'imam al-khatib al-baghdadi a dit كتبنا عنه وكان صدوقا كثير الكتاب انتهى كلامه donc al-khatib al-baghdadi a dit on a écrit de lui et il avait beaucoup de livres il était quelqu'un de fiable ok donc il a rapporté cette parole de avec la chaîne de transmission de Mutarrif ibn Abdullah Mutarrif ibn Abdullah ibn Yassar al-Yassar Abu Mus'ab je pense que c'est Ash-Shikhir son dernier nom il était parmi les compagnons de l'imam Malik Subhanallah. Sa mère était la sœur de l'imam Malik. La mère de Mutarrif ibn Abdullah était la sœur de l'imam Malik. Donc c'était en fait le cousin. C'était le cousin de l'imam Malik. Parce que Ummuhu Urtul Imam. Donc si sa mère c'était la sœur de l'imam Malik, donc il était son cousin. Donc Mutarrif ibn Abdullah c'était le cousin et le compagnon de l'imam Malik. Il est né en l'an 137 de la Hijra et il est mort en l'an 220. On va traduire cette parole. Et donc il dit Al-Qasim al-Azadji, il rapporte avec sa chaîne de transmission selon Mutarrif ibn Abdillah, il a dit j'ai entendu Malik ibn Anas lorsque l'imam Malik ibn Anas entendait quelqu'un qui repoussait les hadiths au sujet des attributs d'Allah, il disait, donc l'imam Malik disait à ce moment-là, lorsque quelqu'un rejetait ou repoussait les hadiths des attributs, il disait que Omar ibn Abdul Aziz a dit que le messager d'Allah, ainsi que c'est que les dirigeants après lui, c'est-à-dire les khulafa, Ar-Rashidun, Abu Bakr, Omar, Osman et Ali, radiyallahu anhum, ont établi des sunan, ont établi des exemples à suivre. Et de prendre ces sunan, c'est de reconnaître et de croire en le livre d'Allah. Et c'est quelque chose qui complète l'obéissance d'Allah. Et c'est une force sur la religion d'Allah. Et personne parmi les créatures d'Allah ne peuvent rien y changer et ils ne doivent pas non plus regarder quoi que ce soit de ce qui contredit ces exemples et ces sunnahs-là qu'ils ont ramenés. Celui qui a été guidé par ces exemples et par ces sunnahs, c'est lui qui est le bien guidé. Et celui qui cherche la défense et la victoire dans ces exemples-là, eh bien, c'est lui qui sera le victorieux. Et celui qui contredit leur exemple et leur sunnah, alors il a suivi autre que la voie des croyants. Et Allah le laissera se détourner tel qu'il s'est détourné, il le brûlera en enfer, et quelle mauvaise conclusion ou quelle mauvaise destination. Et c'est une explication. En même temps, on voit que la fin, c'est la même formule que la formule du verset. Hein, dans, si je ne me trompe pas, c'est dans Sourate An-Nisa. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. Donc on voit que c'est la même formulation que ce verset dans le Coran. Donc on va lire maintenant l'explication de Cheikh Ibn Baz, Cheikh Abdul Aziz Ibn Baz, de cette parole, puis on va s'arrêter inshallah après. قال الشيخ قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله مقصود عمر رضي الله عنه ان الواجب السير على منهج السلف الصالح الذين تابعوا نبيهم صلى الله عليه وسلم واستقاموا على طريقه وهم الصحابة فالواجب الاخذ بما قالوا والسير على منهجهم في جميع الشؤون وفي إثبات الصفات وتنزيه الله عن مشابهة خلقه وباتباع الشريعة وتعظيم أمر الله ونهيه وفي غير هذا من شؤون الدين لأنهم كانوا على الهدى المستقيم فمن سار على نهجهم واستقام على طريقهم فهو المهتدي ومن حاد عن سبيلهم واتبع غير سبيلهم من أصحاب البدع والأهواء والله اللهم تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا صلى الله العافية. شيخ بن باز il dit que qu'est-ce que Omar ibn Abdul Aziz veut dire, c'est que il est obligatoire de suivre la voie des salaf al-salih qui ont suivi leur prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui sont restés fermes et droits sur cette voie. Ce sont les sahaba. Hein? Ce sont les sahaba. Et l'obligation pour nous, c'est de suivre et de prendre ce qu'ils ont pris et de prendre ce qu'ils ont dit et de suivre la même voie qu'eux. dans toute chose, et d'affirmer les attributs d'Allah, et de purifier Allah subhanahu wa ta'ala de toute ressemblance avec sa création, et de suivre la charia, hein, la législation divine, et d'exalter et de respecter l'ordre d'Allah et son interdiction. Et dans tous les autres aspects de la religion également. Parce que les salafs et les sahaba et ceux qui les ont suivis dans leur aqidah et dans leur voie, ils étaient sur le droit chemin et la guidance de la droiture. Donc celui qui suit la même voie qu'eux, qui reste droit et ferme sur ce chemin-là, alors c'est lui qui est bien guidé. Tandis que celui qui fait, yani qui oppose leur voie, eh bien il n'est pas du tout sur la bonne voie, il a suivi la mauvaise voie parmi les gens de bid'a et les gens de passion, et Allah le laissera tel qu'il s'est détourné et il le brûlera en enfer. On demande à Allah qu'il nous épargne et qu'il nous préserve. Donc on s'arrête ici pour le cours d'aujourd'hui et on continuera la suite au prochain cours, inshallah, avec d'autres citations des salafs et d'autres clarifications, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc à demain, inshallah. Et demain on fera le hadith, plutôt le dars sur l'explication de la aqida des deux razi, la aqida des deux imams, al-raziyan, inshallah.